Bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Merci d'être venu malgré la situation sanitaire très difficile. Je vous oblige à mettre des masques et à ne pas se reconnaître, mais il y en a qui l'ont pas mis, mais c'est pas grave, on s'amuse. Donc aujourd'hui, alors vous avez remarqué dans l'annonce que vous avez envoyée, il y avait trois noms et aujourd'hui il n'y a plus qu'un nom. L'explication c'est que donc on va parler d'Abel Paz. Abel Paz alias Diego Camacho, bon je ne vous raconte pas sa vie. Marc va le faire. Donc Marc est éditeur d'une maison d'édition qui s'appelle Rue des Cascades, un très beau catalogue, il ne l'a pas raconté, mais dans notre bibliothèque, il y en a plein. Bon, il vit la moitié du temps en Grèce, donc l'édition a un peu diminué, fait un ou deux bouquins par an maintenant, alors qu'il en a fait beaucoup plus. Et autrefois, dans les années 80, tu t'es occupé d'une autre maison d'édition qui s'appelait LUD, comme les ludistes. Et puis tu as sûrement d'autres activités, tu as un contrat, et il est à la retraite, c'est un heureux retraité qui nous publie des bouquins, donc il travaille beaucoup, et qui, de son temps de salarié, il était correcteur d'imprimerie. Lieu réputé pour son grand nombre d'anarchistes. Et donc, il a fait sa carrière là-dedans, entre autres choses. Donc, Marc va nous parler d'un bouquin, mais ça, je ne rentre pas dans les détails, d'Abel Paz. Je ne parle pas d'Abel Paz, mais en tout cas, c'est le premier tome de ses mémoires, sachant qu'il en a écrit plusieurs, mais qu'il ne couvre pas toute sa vie. C'est un peu, bon, ça aussi, c'est un peu compliqué. Et on devait recevoir les auteurs de ce bouquin qui s'appelle Géographie d'Abel Paz, Fernando Casal et Maria Antonia Ferrer. Donc, ces deux amis, parce que, ouais, ça avait l'air sympa, qui nous présentent ce bouquin en même temps que Marc, mais il y a un de leurs proches qui a chopé le Covid, donc ils sont en quarantaine à Barcelone, ou dans le coin de Barcelone, et on n'a pas pu les faire venir. Par contre, on a fait des photocopies du prologue du bouquin qui a été traduit. Et en plus, le bouquin, ils nous l'ont envoyé, mais évidemment, ils l'ont mis à la poste lundi. Alors, il parlait bien que la poste espagnole, en une semaine, il ne fallait pas arriver. Donc, si ça intéresse les gens, on aura des exemplaires, sachant qu'il va être traduit en français. Donc, si vous avez envie de le garder en espagnol, il sera en français. Donc, le prologue est traduit en français par peut-être le traducteur du bouquin, je ne sais pas. Jean-Marc Matayel. Voilà, il y a son nom à la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, l'après-midi, c'est un timing assez serré, c'est pour ça qu'on commence pile à l'heure. C'est qu'on va passer un film de 40 minutes, si je ne me trompe pas, consacré à Diego, alias Abel. Et puis après, Marc va nous parler de tout ce qu'il sait sur Diego. Il nous parlera peut-être un peu de ce livre qu'il a dû lire. Je ne sais pas si tu l'as menti à pas lire, parce que c'est en espagnol, ouais, c'est un peu gros quand même. Et puis, oui, tu me parleras de ça parce que ça a l'air pas mal aussi. Donc ça, c'est les mêmes personnes qui publient un livre d'Abel Paz sur une militante qui s'appelait Ada Marti. C'est la première fois que j'en entends parler. Donc ça vaudra le coup d'en parler aussi. Donc je ferme ma gueule et je te laisse parler. Moi, ça va être très court parce que tu as dit l'essentiel. Merci, Philippe. Bonjour. Alors malheureusement, là, je repars à Paris ce soir même. Ça veut dire qu'à peu près à 19h10, il faudra que je parte. Si vous ne m'empêchez pas, ceux qui veulent de rester, etc. Mais bon, donc je m'excuse pour ça. Par ailleurs, deux mots sur le film qu'on va voir. Alors il date de 1999. Et Diego, dont le prénom donne son titre au film, avait 78 ans. C'est donc un voyage dans le temps, et c'est aussi un voyage dans l'espace qui nous ramène dans un quartier de Barcelone où j'ai connu Diego en 1978, où il a vécu jusqu'à sa mort en 2009, et qui s'appelle Gracia, le quartier de Gracia, qui est un peu sur les hauteurs et qui a ses particularités, mais on passe là-dessus. Diego habitait dans une des rues de Gracia qui s'appelle Verdi, le compositeur, et le film a été tourné dans une bodega à quelques centaines de mètres où Diego vivait, et donc dans une bodega de la calle de la rue Verdi qui existe toujours, Calpep donc. Et voilà. Et donc le film est très simple. Et on pourra en parler après. Voilà. Après l'exil, alors il y a eu plusieurs exils, parce que là, à la fin, il parle de la retirada, les camps de concentration en France, mais Diego retourne en Espagne au début des années 40, 42 je crois, 41-42, et pour rejoindre la résistance libertaire, et surtout le mouvement libertaire clandestin sous Franco. Il va être arrêté et donc il va passer une longue dizaine d'années dans les geôles franquistes. Après sa sortie de prison, il y a un nouvel exil en France. Jusqu'en France où il... d'abord, il a un fils. Hier, on a projeté ce documentaire à la librairie Publico à Paris. Et le fils de Diego était là, ainsi que ses deux fils, Donc il y avait toute la descendance. Non, parce que maintenant il y a les arrière-petits-enfants, la descendance de Diego Camacho. Donc Ariel Camacho, qui est le fils de Diego, est venu hier soir. Et Anton et Léo, c'est les petits-fils de Diego à qui il a dédié ses mémoires sur son enfance, étaient présents aussi. Ce qui, enfin, moi, ça m'a touché, leur présence. Il faut savoir que. Donc Ariel est né en 1956 et Diego n'a pas été franchement un bon père. Il a quitté le domicile conjugal 2 ans plus tard. Donc les relations n'étaient pas évidentes entre père et fils. Cela dit, à partir du moment où Diego revient vivre en Espagne, c'est 30 années, 31 ans, de 1978, à sa mort en 2009, les relations avec son fils et ses petits-enfants se renouent. Et donc il revient régulièrement à Paris, il va voyager beaucoup à partir de cette base du quartier de Gracia à Barcelone, où a été tourné ce film. Et donc il va revenir souvent à Paris. Moi je l'ai connu donc à son retour à Barcelone en 77, et où je vivais, et ensuite je suis revenu vivre à Paris, mais on continuait de se voir soit quand je retournais à Barcelone, chez lui où j'habitais, soit à Paris quand il y venait, soit encore on a parfois voyagé ensemble. Entre autres, on a fait ensemble un voyage en Andalousie, c'est-à-dire sur les lieux qu'il décrit dans Scorpion et Fille de Barbarie. Le titre espagnol, c'est un peu inversé, c'est Chumberas y Alacranes, donc Fille de Barbarie et Scorpion. On l'a inversé en français. Et donc, on est retourné là-bas. C'était un lieu qui lui était cher, on le sent quand il parle de sa mère. Cette enfance andalouse a été vraiment importante pour lui. Hier soir, je ne sais plus qui racontait, quelqu'un qui avait connu Diego, que à moins de 10 ans, à 9-10 ans, en Andalousie, il avait déjà créé un petit groupe libertaire, il devait être 2 ou 3, mais c'était des enfants. Et un peu plus tard, quand il vient à Barcelone, il y a donc ce groupe de collectif dont il parle, avec des amis qui, pour certains, resteront ses amis jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans. Et il crée ce groupe des Quichotes de l'idéal avec une revue qui les amène aussi à prendre des positions assez qui ne sont pas forcément celles de la direction anarcho-syndicaliste, de la CNT, et sur les compromis avec la généralité et avec le gouvernement républicain. Donc ils ont entre autres en mai 37, il évoque les combats contre les staliniens de mai 37, et en mai 37, quand la direction de la CND essaye d'arrêter les hostilités, les combats, à la base, il y a des groupes comme les Amis de Durruti, comme les très jeunes, ils ont 16 ans, 17 ans, les Quichotes de l'idéal qui donc combattent se défendent contre les staliniens, et sans parler évidemment des gens du Parti ouvrier d'unification marxiste, le PUM, qui était une des cibles de cette offensive stalinienne, pas seulement les anarchistes. Et donc je reviens à ce livre là il l'a écrit, en tout cas il l'a publié en 1994. Ça veut dire que quand il a commencé à rédiger des livres de mémoire après son retour en Espagne, à Barcelone, il n'a pas commencé par l'enfance, il n'a pas suivi un ordre chronologique, il a commencé par les mémoires de prison. c'est un livre assez volumineux qui n'a pas encore été traduit en français. Un ami vient de commencer la traduction, qui s'appelle « Al pied del muro », au pied du mur, qui a un très gros volume. Donc, ensuite, il a écrit ce dont il témoigne là, c'est-à-dire « Les camps ». Ça s'appelle, c'est pas non plus traduit en français, « Entre la niebla », dans le brouillard. Et c'est le troisième livre de mémoire, « Scorpion et fils de barbarie », où il revient sur l'enfance, et je dirais que c'était celui qu'il a écrit avec le plus de plaisir. C'était, on peut dire, une époque, même si la vie était extrêmement difficile, que ce soit en Andalousie, que ce soit à Barcelone, dans des conditions très difficiles, mais c'est quand même une époque très heureuse, dont il apporte un souvenir de lutte, de mélange de lutte et de joie de l'enfance, d'apprentissage aussi, parce que là il va raconter par exemple comment il apprend à écrire auprès d'une vieille dame à Almeria. Sa mère a tenté de l'envoyer à l'école primaire avec un instituteur très autoritaire. Il n'est pas resté plus d'une journée à l'école, il est parti. Et il a dit à sa mère qu'il n'y retournerait pas. Donc elle a laissé faire. Mais un peu plus tard, en allant chercher en faisant des courses dans une petite épicerie, la dame qui tient l'épicerie lui demande s'il sait lire. Et il répond que ben non. Et il raconte qu'il n'a pas du tout supporté l'école. Et là, elle fait un marché avec lui, elle lui propose un marché, elle lui dit « si tu veux, je t'apprends à écrire, je t'apprends à faire les lettres, chaque jour on écrira sur un cahier, tous les deux, mais tu me donneras 5 centimes de pesettes », c'est-à-dire une somme symbolique. Donc il accepte le marché, il commence, mais il n'ose pas le raconter à sa mère, à ses proches. Et un jour, sa mère le découvre en train de dessiner des lettres, elle est très étonnée. Il avoue que ce qui se passe, ce qu'il pratique depuis un certain temps, il a un peu peur d'être grondé parce qu'il n'a pas osé le dire. Elle le félicite, donc là, il est content. Et c'est elle qui lui donne les 5 centimes pour continuer. Et ça va durer jusqu'au moment où sa mère décide de l'envoyer à Barcelone, où il y a une partie de la famille qui s'est déjà établie. À ce moment-là, il va voir la dame avec qui il apprend à écrire et à lire, et il dit qu'on va devoir interrompre, qu'il doit partir. Elle lui dit que c'est une très bonne chose qu'il aille à Barcelone, que là, il aura beaucoup plus de possibilités pour apprendre et qu'elle a quelque chose à lui donner. Elle sort une boîte en fer et dans la boîte en fer, il y a toutes les petites pièces de 5 centimes. Elle lui dit « voilà, j'ai gardé ça pour toi et maintenant, quand tu seras là-bas, tu pourras t'acheter un livre ». Voilà. Donc l'amour de Diego, donc là, c'est un enfant, pour les livres, ne s'est jamais démenti, au point que en France, dans l'exil, il commence à écrire, et surtout il s'attelle, alors qu'il est ouvrier dans une imprimerie, à un travail qui va l'occuper pendant plusieurs années, qui est la biographie de Buenaventura Durruti, qui va d'abord paraître, il écrit en espagnol, mais elle va paraître en français en 1972, édition de la Tête de Feuille. Et elle sera ensuite, un peu plus tard, 5-6 ans plus tard, je pense, 78, publiée en espagnol. Et après, elle sera cette biographie à Diego ou à Abel Paz, puisque c'est comme ça qu'il signe ce gros livre, va être connu à travers, on dit, le biographe de Durruti. C'est comme ça qu'il est devenu relativement connu dans un milieu libertaire international, puisqu'il y a eu peut-être plus, mais on en était à 17 traductions. Il y a encore une dizaine d'années, donc je ne sais pas si depuis il y a eu une nouvelle traduction. C'est difficile à lire, souvent il s'agit d'éditions en général pirates, et dont il n'a pas forcément été averti. Il y a ce gros travail qui va l'occuper à Paris dans la fin des années 60, et donc ça paraît en 1972, à peu près de 65 à 72. Évidemment, et ça aussi, ça se sent dans les souvenirs qu'il raconte là, Diego, même si il donne, il explique l'importance fondamentale des journées de juillet 36 et les 2-3 mois qui ont suivi à Barcelone, cela dit, sa vie s'est pas arrêtée là. Et il évoque 68, qu'il a vécu activement à Paris. Il fait une comparaison de barricade à barricade. Et donc il faut savoir que Diego, à Belpas, si on veut, a continué son chemin. C'est pour ça qu'on voulait appeler ces rencontres les chemins, sur les chemins de la Belpas, surtout par rapport au livre de Maria-Antonia et Fernando, qui eux, Maria-Antonia l'a connu, Fernando, je ne crois pas, elle l'a rencontré, mais donc ils ont entrepris ce livre pendant 4 ou 5 ans, qui est paru le livre est paru il y a plus d'un an. Un an et demi, je dirais, en Espagne. Et il y a derrière 4 ou 5 années d'enquête sur ces cheminements de la Belpas en Espagne, en France et un peu partout où il a pu aller dans les 10-15 dernières années de sa vie. Il s'est rendu beaucoup en Allemagne. C'est le pays, la langue où il est le plus traduit, c'est en allemand. Ensuite, c'est en grec. Donc, il est allé pas mal en Grèce, mais le Douroutier aussi, il était traduit en turc, par exemple. Il est allé à Istanbul. Il allait assez souvent dans le nord de l'Europe, donc Scandinavie, même la Belgique, etc. L'Italie lui était familière. Et en 2000 ou 2001, il a entrepris un grand voyage suite à la traduction de la biographie de Durruti en japonais. Donc il est allé au Japon, en Corée, en Australie. Voilà, un peu tous ces cheminements de Diego qu'ont essayé d'expliquer, d'écrire, de faire un portrait de Diego à travers tous ces chemins et qui donne le livre Géographie, donc, de la Belpas. Et si je reviens à l'enfance, je dirais que c'était le livre qui le touchait le plus, mais c'était une façon aussi de renouer avec, entre guillemets, sa descendance, c'est-à-dire ses petits-enfants. C'est pas pour rien s'il est dédié à Anton et Léo, donc. Et ça me fait penser à un autre livre écrit par un ami commun, Diego et moi, qui est Raoul Van Hegel, et qui, il y a quelques années, a écrit une lettre à mes enfants et aux enfants du monde à venir. Et il y a de ça d'une toute autre façon. Raoul Van Hegel et Diego ou Belpas sont pas du tout la même façon d'écrire, mais il y a cette idée-là de se tourner à la fois vers l'enfance et en direction vers leur enfance et en direction des enfants vivants et ceux qui viendront. Voilà, donc ensuite il a écrit un quatrième volume qui est le premier qui a été traduit en français et que je ne peux que recommander. Il s'appelle en français Barcelone 1936, un adolescent dans la Révolution espagnole, et qui est publié et traduit déjà depuis une vingtaine d'années aux éditions La Digitale, traduit par Oscar Borillo, qui est encore un ami commun à Diego et à moi. Et par ailleurs, les années de retour en Espagne de Diego ont été les plus prolifiques, en dehors de ses ouvrages de mémoire, il a écrit plusieurs volumes en tant que, je ne sais pas s'il faut dire historien, mais à peu près, il a fait en tout cas un travail d'historien. Il était autodidacte, et il le raconte là. Il était donc ouvrier, mais il s'est penché très sérieusement sur l'histoire du mouvement anarchiste, l'histoire du mouvement anarchiste tel qu'il l'avait lui-même expérimenté. Il n'a pas écrit sur, je sais pas, sur la Macnaftina, il a écrit sur le mouvement, la CNT, le mouvement anarchiste espagnol, et un thème qu'il évoque dès ce livre de mémoire-là, c'est-à-dire aussi ce qui se passait au Maroc, avec le soulèvement d'Abdelkrim. Donc il a aussi écrit un livre. Et sur les relations possibles, ou le fait que les deux mouvements, le soulèvement d'Abdelkrim au Maroc et le mouvement révolutionnaire anarcho-syndicaliste en Espagne, n'aient pas réussi à se coordonner, à se relier entre elles. Il y a eu des tentatives. Ça, on l'apprend à travers un petit livre qui a été publié, traduit en français, et publié il y a à peu près 2 ans, l'édition « Ni patrie, ni frontières ». Il s'agit de la correspondance entre Diego Camacho à Belfast et Juan Garcia Oliver, qui est, lui, en exil au Mexique. Et la première lettre date de 1970, Diego met la dernière main à la biographie de Durruti. Il y a un certain nombre de points sur lesquels il demande à Garcia Oliver, qu'il a vu, qu'il a connu quand il était môme. Il lui dit, dans une de ses lettres, il lui dit qu'il a été son héros. Il le met au passé. Par la suite, il faut savoir que Garcia Oliver a été ministre de la Justice de la République pendant la guerre civile. Et donc, il s'adresse à Garcia Oliver pour éclaircir un certain nombre de points. Et il faut dire que Garcia Oliver est très réticent. Les réponses sont très réticentes. En fait, il ne va jamais vraiment bien répondre. Mais une correspondance s'engage. L'un est à Paris et l'autre dans le nord du Mexique, et elle va durer quand même je crois que la dernière lettre, qui est une lettre de Diego, elle date de 79, donc elle s'étale sur 9 ans. Elle est passionnante et elle montre que la rigueur qu'avait Diego Camacho ou Abel Paz dans ses recherches historiques. Il a vraiment besoin, il veut vraiment préciser certains points, etc. Malheureusement, il n'a pas beaucoup d'aide de la part de Garcia Oliver. Cela dit, c'est très révélateur aussi du point de vue critique qui peut s'établir rétrospectivement par rapport à ce qui s'est vécu, aux choix qui ont été faits par les directions anarchiste, anarcho-syndicaliste, à partir de juillet 36, et très vite, hein, dans les 3 jours qui suivent. Donc, moi, j'incite à lire cette correspondance, et en même temps, je fais une mise en garde, parce qu'elle a été publiée à Barcelone par un historien qui est tout sauf anarchiste. Il ne s'agit pas d'un historien bourgeois ou universitaire, ou académique, bien au contraire. Il s'appelle Agustín Guillamón, et c'est, alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais c'est un bordiguiste. Ça veut dire Amedeo Bordiga est un des fondateurs du Parti communiste italien, par la suite rejeté par Lénine, mais lui n'a jamais rejeté Lénine. Donc il s'agit d'une vision, celui qui a publié la correspondance d'Abel Paz et de Garcia Oliver a lui-même une vision qu'il explique à la fin. Il ajoute à cette correspondance, et ça fait pratiquement les 2/3 du livre, ses thèses sur la guerre d'Espagne. Et sa vision, c'est que les anarchistes n'auraient jamais pu mener une révolution prolétarienne en Espagne, puisqu'il n'avait pas de parti d'avant-garde, il n'avait pas de théorie révolutionnaire, et ils se sont liés à constituer ce qu'ils appellent un État ouvrier. Alors, c'est quand même, il faut savoir que d'un côté, ces lettres sont éditées, elles sont passionnantes, mais d'un autre côté, l'éditeur de ces lettres en profite pour essayer de vendre à la suite ses thèses ultra avant-gardistes, et pour le moins, et étatistes. Voilà, c'est une parenthèse que je ferme. À juste titre, hier soir, j'ai évoqué ça aussi. Ça a une certaine importance quand on a tenu avec Fernando et Maria Antonia à ce que ces rencontres se fassent surtout dans des lieux type archives, bibliothèques, plutôt que dans des lieux de commerciaux, dans des librairies par exemple. Bon, hier c'était dans une librairie, mais c'est la librairie de la Fédération anarchiste. Mais le rapport aux archives est très important pour quelqu'un comme Abel Paz. Eux-mêmes sont deux professeurs d'histoire à la retraite, donc le travail sur les archives sont très importants. Ils viennent d'éditer le livre qui est là, et qui est donc un livre inachevé d'Abel Paz, qui est une biographie d'une anarchiste de Barcelone que Diego a connue en 1936. Il avait 15 ans, elle avait à peu près 10 ans de plus, et elle s'appelait Ada Marti, et elle va elle aussi connaître l'exil en France. Elle s'est suicidée en 1960 à Paris. Et donc, Fernando et Maria Antonia n'ont pas seulement retracé ces chemins, cette géographie d'Abel Paz. Ils ont aussi travaillé à partir des archives qui sont déposées à Montpellier, au centre Ascaso d'Urruti. Ce centre a été créé sur la base de la bibliothèque, du moins de la première étape de la bibliothèque de Diego, qui a été transportée de son appartement de Barcelone jusqu'à Montpellier. Il a même été question que lui-même suive sa bibliothèque et vive à Montpellier, mais finalement il est resté à Barcelone, et très vite il a reconstitué une nouvelle bibliothèque. Mais donc la majeure partie de ses livres se trouve à Montpellier, et surtout c'est aussi là que cette correspondance, justement, oui, bon, merci, a été trouvée. Les lettres à Abel Paz, Diego Camacho et García Oliver, tout ça c'est à Montpellier. Mais il y a une partie des archives qui sont, puisqu'il est mort encore au moins 10 ou 15 ans après la création du centre Ascaso d'Urruti, donc il continuait à écrire, à avoir de la correspondance, à faire des projets, à écrire des projets de livres et tout. Et donc il y a une partie qui est restée à Barcelone. Et c'est cette partie-là qui, malheureusement, a été confiée à Guillamón. Si bien que Fernando et Maria Antonia ont eu carrément des difficultés dans leurs recherches. À Barcelone, à Montpellier, ils n'ont eu aucun problème. Ça leur permet maintenant de publier cet ouvrage inachevé sur Ada Marti. Mais à Barcelone, ça s'est passé moins bien. Voilà. Donc ça, c'est problématique qui concerne surtout le travail sur les archives, les centres d'archives, et à qui sont, entre quelles mains peuvent être confiées des archives du mouvement ou d'individualité libertaire. Je vais juste terminer sur un aspect qui me semble important dans l'œuvre de d'Abel Paz, de l'écrivain, de l'auteur. Pour moi, il y a quelque chose qui se rapproche, on dirait une approche, le mot anthropologique, mais dans un sens anthropologie sauvage, qui le rapprocherait, par exemple, qui rapprocherait ses recherches, surtout au niveau justement du travail sur la mémoire, d'un ouvrage comme celui qui s'appelle « La rêverie anarchiste ». C'est un sociologue qui n'est plus de ce monde, qui a écrit ça, Alain Pessin. C'est réédité à l'atelier de création libertaire. Et Pessin a essayé de donner une vision du mouvement anarchiste à travers la vie quotidienne dans les quartiers ouvriers, ou artisans, ou de tout ce milieu anarchiste. Et c'est ce que, à sa façon, l'écrivain Abel Passe restitue, en particulier justement à travers ses livres de mémoire. Et pour moi, c'est une approche de l'anarchisme, c'est pas une approche théorique. Il a un point de vue philosophique ou théorique, il n'est pas de n'importe quelle filiation libertaire, anarchiste. Il s'est frotté dans l'exil en France dans les années 60, avant et autour de 68, à d'autres pensées critiques, par exemple situationnistes. J'ai cité Raoul Van Hegem, je pourrais citer Mustapha Kayati, avec qui il avait des relations d'autant plus proches qu'il y avait cette question du Maroc et d'Abdelkrim, sur lequel Kayati l'informait beaucoup. Donc il y a d'autres, il n'y a pas seulement les bibles libertaires ou anarchistes dans la formation de la pensée d'Abel Pas. Mais il y a cette approche de la... l'idée que la pensée anarchiste est indissociable de la façon de vivre dans les quartiers, dans les villages, dans les campagnes, et il y a une sorte de communauté, on pourrait l'appeler prolétarienne, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est ce qu'il essaye de restituer à travers sa propre mémoire, celle de ses compagnons, qui encore une fois, par exemple Federico Arcos, qui est mort après lui, qui avait un an de plus que lui, qui lui a vécu un exil au Canada et aux États-Unis, à la frontière, qui a été oublié à la General Motors, qui lui a travaillé lui aussi sur des archives, celle d'Emma Goldman. Et le lien, l'un était au Canada, l'autre à la fin de sa vie à Barcelone, mais il n'utilisait pas Internet ni l'ordinateur, mais il communiquait tout simplement par téléphone ou par lettre, par courrier. Il y a aussi, je crois qu'on les voit en photo, il y a Liberto Sarau aussi. Voilà, donc c'est une histoire qui s'est allée sur vraiment plusieurs décennies. Et pour moi, c'est important cette approche à travers le quotidien et la communauté que restituent les livres d'Abel Passe. Ce qui me fait dire que, mais bon, ça c'est un autre sujet, je crois, je ne vais peut-être pas l'aborder. J'ai du mal à comprendre, je vais juste poser la question comme ça, ou me poser la question. J'ai du mal à comprendre le sens de la critique d'un penseur libertaire qui s'appelle Murray Bookchin, qui est américain, et dont un livre vient d'être publié là. Des textes, en tout cas aux éditions Agon, qui met en cause l'anarchisme en tant que mode de vie et qui l'oppose à un anarchisme social. À mon avis, les deux sont absolument indissociables. Ouais, donc merci pour nous avoir apporté ce film, avoir réédité le bouquin. Donc on en a quelques exemplaires, enfin il y en a même plus que ça parce que Marc en a porté aussi. Donc, je vous engage à lui acheter son livre pour faire marcher sa maison d'édition. Parce que, sachant que la vente des bouquins permet d'en rééditer d'autres, hein, c'est pas une entreprise lucrative. Et puis, vous allez poser, on a une petite demi-heure, à moins le quart, on ira voir un coup à côté, sachant que Marc doit partir d'ici pour pas rater son train à 19h15. Donc tout est minuté. Alors moi je vais ouvrir le débat. Je voulais savoir, Abel Passe, Diego était complètement autodidacte. Il a quand même fait une belle biographie sur Durruti. Moi, c'est un des premiers livres anarch que j'ai lu. Hein. Je devais avoir 18 ans à l'époque quand c'est paru, même pas 17. Et moi, j'en ai un bon souvenir. Hein. Je n'ai jamais relu depuis. Donc, je voulais savoir si, comment il a découvert les archives, sur quelles archives il a travaillé, parce que c'est quand même un très gros bouquin avec plein d'éléments. Et notamment, je me souviens, ces chapitres qui m'avaient marqué, essayer de comprendre comment a pu mourir Durruti avec les différentes hypothèses. Donc, comment il avait travaillé, et puis, est-ce que ce bouquin est toujours d'actualité sur Durruti, ou est-ce qu'il y a des nouveaux chercheurs qui diraient que ce bouquin vaut rien, j'en sais rien. Alors, moi, j'ai connu Diego fin 77, surtout à partir de 78. J'ai vécu à Barcelone de 77 à 79. Je ne l'ai pas connu au moment où il était à Paris, où il était ouvrier, où il travaillait sur Durruti. Il a un élément de réponse dans sa correspondance avec Garcia Oliver. Il cite, dans les questions qu'il envoie à Garcia Oliver, il cite, c'est... En fait, il a travaillé sur des archives, mais la plupart des archives étaient... On ne pouvait pas y accéder. Il y a l'histoire des archives de la CNT qui sont transportées à Amsterdam, ouais, mais qui sont sous clé pendant très longtemps. Et au moment où Diego travaille sur la biographie de Durruti, qui est en fait beaucoup plus que la biographie de Durruti, Garcia Oliver lui reproche de décrire la biographie de Durruti. Il dit, les individus n'ont pas d'importance, c'est le collectif qui a de l'importance. Ça, c'est ce que lui dit Garcia Oliver. Diego, oui, bien sûr, je suis d'accord, mais à travers Durruti, c'est beaucoup plus que Durruti, c'est évident. Le sous-titre de la première édition, l'édition française, c'est « Le peuple en armes ». L'édition suivante, l'édition espagnole, qui est nettement augmentée par rapport à la première édition française, c'est « Le prolétariat en armes ». Et après, on va avoir des sous-titres qui vont changer, et à chaque fois, pour donner l'idée, derrière Durruti, qu'il s'agit effectivement d'un mouvement collectif, de d'où il vient, où il allait. Durruti lui-même, il est arrêté à 40 ans par une balle. Il y a aussi tout le problème de la mort de Durruti. Ça sort dans cette correspondance. Malheureusement, le Guillamon, il a aussi fait autre chose que nous vendre ses thèses avant-gardistes au final. Elle n'est pas complète, la correspondance. Ça veut dire qu'il y a toutes les lettres, mais elles sont pleines de points de suspension entre parenthèses. Je trouve que quand même, c'est pas un gros livre. Et il aurait pu nous laisser, nous, savoir ce qui est important ou ce qui n'est pas. Mais il a décidé pour nous, de la même façon que la typographie est ultra directive, ce qui est important, c'est en capital, il y en a d'autres qui sont en caractère gras, d'autres en caractère souligné, d'autres en italique, et à chaque fois il dit, je souligne ça, je te... Ok. Pour te répondre, Diego à Paris et en France, il s'est déplacé, et il a cherché surtout le témoignage de ceux qui avaient été avec Durruti, qui avaient connu Durruti. C'est beaucoup plus un travail oral. Il avait la possibilité il y a aussi des lettres, il a une correspondance avec d'autres. Il y a ceux qui peuvent... Je ne crois pas qu'il ait, par exemple, utilisé des magnétophones, mais il allait voir tel compagnon, tel autre, et il lui disait, bon, redis-moi, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce moment-là? Tu l'as vécu? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu n'étais pas là? Qui était là? Qui a pris telle position? Qui a pris telle... Donc, c'est un travail extrêmement vivant. C'est un travail de chercheur vivant, de terrain, ouais, on pourrait dire, qui lui était d'autant plus facile qu'il était partie prenante. Là encore, Guillamon m'obsède, excusez-moi, mais il considère, il écrit des une notice très élogieuse sur Abel Pasch, qu'il n'a pas connu, hein, qu'il n'a pas fréquenté. Je ne crois pas qu'il se serait franchement entendu, que Diego l'aurait supporté beaucoup. Mais il envisage la participation active de Diego Camacho ou Abel Pasch au mouvement social à partir de 1940. On sait qu'à 15 ans, il était déjà partie prenante d'un groupe de jeunes anarchistes. Diamond, ça n'intéresse pas. Je crois que les gamineries, bon, c'est pas le prolétariat, etc. Et donc, c'est vraiment on peut dire un travail de. Une recherche de terrain, sachant que Diego a vécu juillet 36. Ça, bon, je ne peux qu'inciter à lire ses mémoires de l'enfance et de la préadolescence. Et là, on voit que ça se termine pile le 19 juillet 36, ce livre-là. Le suivant, il est écrit avant. Non, après. Non, le suivant, il est écrit après. En espagnol, ça s'appelle Viaje al pasado, voyage vers le passé. Ça, c'est le dernier volume qu'il a écrit de mémoire, qui est paru un an plus tard, en 1995. Je te dis juste, c'est pas une réédition, hein, c'est la première fois qu'il est traduit en français. Et malheureusement, il n'y a aujourd'hui que véritablement quatre livres. D'Abel Pasch en français, c'est le quatrième. Il y a le Don Bouti, donc. Il y a le dernier volume de mémoire, Barcelone 1936 à la digitale, et il y a la colonne de fer, chronique passionnée de la colonne de fer dont on avait avec Diego, avec lui, et un collectif. L'association Libertad, un ami qui est d'ailleurs remercié à la fin du film, qui s'appelle François Platzmann, on avait engagé la traduction du livre d'Abel Pasch sur la colonne de fer, et on a fait la première édition. Il a été réédité, il est disponible, c'est l'édition Nautilus. Donc les trois livres avant celui-ci, sont disponibles. Le Durruti est aux éditions de Paris. La colonne de fer, édition Nautilus, c'est plutôt à chercher dans les bouquins à solder parce que les éditions de Nautilus n'existent plus, mais il n'est pas épuisé. Et donc l'autre, le troisième, la digitale. Donc si tu veux, le travail d'archive, Diego va le faire plutôt après. Évidemment, il va aller au Centre international d'histoire sociale à Amsterdam, il va fréquenter tous les lieux où il y a des archives, ça c'est clair. Mais la partie la plus importante de ce qu'il a pu réunir pour écrire, l'appeler par le sous-titre « Le peuple en armes », c'est une partie recueillie directement, soit par lettre, soit par conversation. Je pense que c'est ça. Et cette correspondance l'explique vraiment très bien. Est-ce que je peux te dire ? Il y avait une autre partie, non ? C'était tout. C'était, est-ce que tu penses que c'est un texte valable par rapport à des bouquins qui ont été écrits par des historiens professionnels, je ne sais pas, qui ont accès à des sources qu'il n'a pas eues, lui, je ne sais pas. Bon, là, je vais donner une réponse pratique, mais ce bouquin, ça c'est, la première édition espagnole, celle qui est là, Bruguera, je crois que c'est 78. Il est traduit en 17 langues. C'est quand même assez significatif. Sincèrement, sur la Révolution espagnole, à travers le personnage de Durruti et tout ce qu'il y a eu autour, ça veut dire c'est une référence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure des années, à chaque propositions qui étaient faites, parfois il n'était pas du tout informé d'une traduction. Mais parfois, quand même, on l'informait, et à ce moment-là, il corrigeait, il ajoutait toutes les éditions augmentées, corrigées, etc. Donc, entre l'édition de 1972, Le Peuple en Armes, celle-ci, 6 ans plus tard, en espagnol, et toutes les suivantes, à chaque fois, il a retravaillé, c'est un livre qui va l'accompagner toute sa vie. La meilleure édition, je ne pourrais pas la dater, mais ça doit être du début des années 2000. Elle est faite en Allemagne par une maison d'édition qui s'appelle aussi Nautilus, qui existe toujours, Nautilus, donc, à Hambourg. Et là, comme on sait, en général, les éditeurs et les gens qui travaillent sur l'histoire et les archives produisent un travail assez rigoureux, on va dire, en Allemagne. Et en fait, la grande édition avant la dernière, espagnole, a été menée par à partir de la traduction allemande, qui ont tout vérifié, qu'on rajouter des documents. Il y avait un lien dans les éditions de Nautilus, c'était essentiellement Anna Mittelstedt et Lutz Schulenburg. Lutz est mort, mais les deux, Lutz et Anna, étaient, on peut dire, anarchistes, avec des tendances qui les rapprochaient du courant situationniste. Mais ils avaient un lien direct avec Diego. Donc on peut dire qu'il ne connaissait pas l'allemand, mais il a participé. On lui a proposé à chaque fois, tiens, on a trouvé telle photo, on a trouvé tel document, est-ce qu'on l'intègre, oui, vas-y, ou non, etc. Donc, à partir de l'édition allemande, qui est beaucoup plus, je ne sais pas, qui doit faire au moins 200 pages de plus que celle-là, a été faite la dernière édition publiée du vivant de Diego, je crois en 2005, par la fondation Anselmo Lorenzo. Elle est rééditée, on n'y touche plus. Mais oui, c'est alors. En France, en français, il y a eu, après la tête de feuille 1972, il y a Quai Voltaire. Ouais. Pareil, c'est fait en lien avec Diego. Mm-hmm. Et le même éditeur qui a publié pendant quelques années, juste dans la foulée de 68, les éditions La Tête de Feuille, Max Chalet, a créé par la suite une autre maison d'édition qui existe toujours, qui s'appelle les Éditions de Paris. Ouais. Et donc l'édition aujourd'hui du Durruti, elle est là. Ouais. Elle a été faite bien avant l'édition allemande. Donc il faut savoir que l'édition allemande est plus complète, et donc l'édition espagnole qui a suivi. À peu près ce que je... Bon, moi, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que, comme tu nous as dit, il n'a pas été à l'école, il fait des recherches, il sort des bouquins, c'est quand même formidable, hein, ça. Alors, il a un peu été à l'école, il le raconte là, c'est la Escuela Natura. Ça, c'est intéressant à dire au passage, c'était évidemment une école libertaire, mais elle est animée à Barcelone par un pédagogue anarchiste qui s'appelait Juan Puch Elias, et à qui dont Diego donne ici un portrait. Ce Puch Elias a eu une influence pendant toute la vie de Diego. Il gardait un souvenir. Quand une jeune Italienne, la dernière année que Diego a vécu, vient le voir à Barcelone parce qu'elle veut entreprendre des recherches, etc., il lui dit, ok, si tu veux travailler, vas-y, t'as du boulot, Puch Elias. Et Puch Elias, lui aussi, a connu l'exil, et à partir de, je crois, 1952, il meurt au début des années 70, soit pendant 20 ans, il vit à Porto Alegre, au Brésil. et il recommence le travail par rapport à l'éducation pédagogique Berthier, etc. C'est-à-dire qu'il a à nouveau. Et donc, Diego savait ça, et il a envoyé Valeria, j'ai oublié son nom de famille, il l'a envoyé jusqu'au Brésil, ce qu'elle a fait. Elle a fait ce boulot, après Diego va mourir, elle l'a connu très peu en fait, vraiment les derniers mois pratiquement. Mais à ce moment-là, c'était encore cet aspect-là qui était important. Donc il y a cette école Natura qui raconte, liée à la vie du quartier, etc. Bon, lisez le bouquin. Et l'autre école, alors là, c'est l'université carrément. En fait, mai 68 produit la création de ce qu'on peut appeler un abcès de fixation pour les étudiants, et ça s'appelle Vincennes. Et c'est la fac de Vincennes accueille les non-bacheliers. Et le Diego, il va s'inscrire en cours du soir à la fac de Vincennes, et il passe une licence. Il a une licence d'histoire, c'est cool. Ouais. On a un copain qui Je ne sais pas s'il suivait les cours, hein, ouais. Mais je sais qu'il était, c'est marrant parce qu'il était à Vincennes, et là il a connu un membre des groupes autonomes libertaires, ceux qui ont écrit, même le principal qui a écrit Les Appels de Ségolie, publié chez Champs Libres, à savoir Miguel Moreno. Et Miguel Moreno, beaucoup plus jeune, il avait à l'époque pas, une vingtaine d'années, donc il était à Paris, s'inscrit à Vincennes, et là il rencontre Diego. En fait, c'est Miguel qui a commencé à écrire sur la colonne de fer, et il est encouragé par Diego, bah vas-y, mais Miguel s'arrête en cours de route, il avait d'autres choses à faire, il est rentré un peu plutôt sur les braquages de banque, bon, et il a fait pas mal de prison lui aussi. Et ce qui lui a donné lieu à l'écriture des appels de Ségovie, c'est écrit dans la prison. Hein. Et donc c'est Diego qui va terminer, il l'explique hein, au début du livre sur la colonne de fer, il va terminer le travail qui avait été entrepris par ce jeune copain connu à la fac de Vincennes, dans tout le folklore gauchiste de l'époque. Oui. Si je peux rajouter deux choses, on ne doit pas s'étonner de cet aspect autodidacte de Diego Gamacho, c'est quelque chose qui caractérise le milieu anarchiste espagnol très très très largement. Ce qui leur permet de tenir par exemple dans les camps, c'est l'organisation très très rapidement et spontanément de groupes de théâtre, et la culture a toujours eu une très très grande place chez ces gens qui pourtant souvent n'étaient pas allés à l'école et étaient issus de milieux très populaires. Question sur Diego. Comment il a choisi ce pseudonyme Abel Paz? Bon, Paz, on sait que ça vient après, mais. Je crois qu'alors, il en raconte ça. Des pseudonymes, Diego, oui, il en a. D'abord, il a vécu. Il a fait. Il est retourné en Espagne clandestinement. Mais non seulement il est retourné en Espagne clandestinement à partir de, je crois, 1941. Donc, il va être arrêté un ou deux ans plus tard. Donc là, il commence ses longs séjours en prison. Mais quand il revient d'Espagne en France, il est lié avec les organisations de l'exil en France et il retourne en Espagne clandestinement. Et il fait au moins deux voyages avec des tâches d'organisation, etc. Et alors donc, les pseudonymes, il en a utilisé beaucoup. Celui qu'il a conservé pour ses livres, je crois que la première fois qu'il l'utilise, c'est avant le Durruti. J'ai mis les bouquins publiés de son vivant. Et donc le premier qui doit être signé à Belle... Alors il signe des articles, en fait. Il commence à signer des articles dans la presse de l'exil. espagnol, en espagnol, qui parlait en espagnol à Toulouse, à Paris, etc. Il y a toutes sortes de, il y a toute une presse de l'exil, et il signe à Belle Paz. Et en 1965, il écrit La CNT y el porvenir de España, qui est publié par la CNT en exil à Toulouse en 1965. Donc c'est son premier livre sous le nom d'Abel Paz. Et le deuxième est Paradigma de una Revolución, qui est publié par l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, a choisi leur roi en 1967. Et ensuite, on a Le peuple en armes en 72. Pourquoi le choix d'Abel Paz? Je ne sais pas. Des fois, il disait Caïn Guerra, mais bon. Caïn Guerra. Je n'ai pas tellement de réponse sur le choix de ce nom-là. Il a appelé son fils Ariel. Ouais. C'est un ange, ça. C'est un peu biblique, tout ça. Bon. Donc Ariel, pour info, il a fait des films sur l'Espagne, ouais, notamment hein, sur Ortiz. Un général. Et ça, c'est un film intéressant parce que c'est un type qui a échappé à la mort en Espagne parce que tout le monde voulait sa peau pendant la Révolution, parce qu'il était peut-être plus radicaux que les autres, je ne sais pas. Parce que ça, c'est les conflits internes de cette Révolution espagnole qui a été pas simple hein, non plus. Comme tu nous l'as dit, hein, les journées de 37 et puis... À l'intérieur même de la CNT, il y avait... Oui, tu as parlé de la colonne de fer. Ben, nous, on a eu un survivant de la colonne de fer qui vivait à Miramas, là, qui était José Segura, et qui est un gars qui avait vécu ça. Quoi, et eux, ils se voulaient complètement intègres, des vrais révolutionnaires, et ils critiquaient justement les pontes, entre guillemets, enfin, certains pontes de la CNT, quoi. Donc c'était pas simple, et la guerre aurait duré plus longtemps. Certains disent qu'il y aurait peut-être eu des affrontements à l'intérieur du camp anarchiste. Voilà, bon écoute, on va aller... Donc le timing est assez serré, donc on va aller boire un petit coup à côté. Vous pouvez continuer à discuter, et donc je vous engage à acheter ce beau livre, publié par les éditions Rue des Cascades. Et nous avons l'introduction du livre de nos amis catalans espagnols, je sais pas ce que c'est, ou deux peut-être. Et tout ça, vous pouvez le prendre, et en attendant que le livre soit traduit. Ça va prendre du temps, hein, parce que c'est le même traducteur. Il y a un temps à faire. Je me tiens au